Ok. Je me sens seul et ce fut très rapide quand j'ai viré de la piste. Je suis seul au monde, moi je suis seul tout comme Eric et Ramsey. Quand l'on coule, tu saignes. Aujourd'hui, y'a plus que moi, je vis ma vie. Je peux te dire que je m'en fous du reste. J'emmerde le monde, ouais. Celui qui empiète de tes rêves. J'ai semé la rage, je l'ai laissé à des kilomètres derrière. L'ambiance est sale au fond de la cour et avec des têtes de rats. Au cours dans mon classeur, y'avait plus que des textes de rap. En pleine mer, je lâche un cesse pour affronter le navire. Je suis plus moi-même, avec un beat, je peux raconter ma vie. Quand je crois que je me force, j'oublie avec un split perso. Ok 2010, j'en veux juste à ma petite personne. C'était fermé, donc pour l'ouvrir, j'ai frappé dans la porte. Je bouge pas pour ma ville avec un gramme d'air dans la poche. Tu descends plus, ouais. Quand t'as tes ailes, ouvrez les yeux, au final on est dans la même merde. J'ai mes yeux pour contempler le vide autour de moi. Vivant pour le moment, on verra pour demain. Ces mains dans les poches que je me balade plein de questions. Pourquoi tu parles ici, vrai qu'on se plaint des réponses. Trop la flemme, je mets mon réveil à 16h16. Moi je suis pas réglé, sur l'horloge à flavor flavor. Mec, dans la vie j'ai assez morflé. J'ai traqué Marie-Jeanne, voulant embrasser Morphée. À force de trop en faire, les soucis nous rattrapent trop. Mais les cernes se forment, on en oublie même c'est quoi le sommeil. Ça cogite, c'est que seul la met dans la merde. Pour t'en sortir, il n'y a que quelques gens à peine. Ouais les mecs, j'amène ma rime comme antidépresseur. Quand je repense au passé, j'ai envie d'être meilleur. Envie d'être dealer. Non ça je ne crois pas. Je fous droit le mic, je tue le beat à l'aide de 2-3 phrases. Je me sens seul entouré de frères, les mecs c'est trop la merde. J'ai trop de toi sur les épaules et mon dos galère. Ouais c'est drôle ma mère, on y la pro de sa mère. Où c'est capuche, team basket, pas de costard clay. Je me sens seul entouré de frères, les mecs c'est trop la merde. J'ai trop de toi sur les épaules et mon dos galère. Ouais c'est drôle ma mère, on y la pro de sa mère. Où c'est capuche, team basket, pas de costard clay. Moi je suis pas téméraire, t'as qu'à mater mes rêves. Si la vie est un jeu, j'ai pas capté les règles. J'veux pas damer les restes, ni escalader les brestes. Premier coup d'œil, tu peux pas dire ces gars-là c'est des vrais. Parce que les frères te mentent, et puis les sœurs mentent trop. Les murs ont des oreilles, et tes ennemis ont tous un œil dans le dos. Donc méfie-toi vraiment, car quand t'es seul tu cries. Un côté noir, un côté blanc, avec un ciel tout gris. Dans ma bulle, j'peux pas côtoyer leur monde à eux. Tout ça, ça de l'hypocrisie devenue contagieux. Je fréquente plus grand monde, et j'me rends compte que c'est toujours les mêmes qui disent et ceux qui comptent le faire. Je me fie plus à mes frères, ouais du moins presque plus. Faut savoir s'affronter seul pour être un mec de rue. Avant l'album, voilà la mixtape. J'écris quand je me sens seul que j'ai mal à ma petite tête. Ma tête tournée, sped off ma weed. Je me sens déraciné comme les blés d'art ma ville. Les sentences nous renforcent et puis les temps changent. Je veux de la thune pour ma mère et ma descendance. En duo avec ma peine à présent. Je me rappelle de l'époque, premier 16 à 13 ans. Au quotidien c'est sale beat et des récits. Entouré je me sens seul comme un dépressif. Je parle vrai que les faux frères se taisent. Moi j'écris toujours quand les paupières se ferment. Je tourne en rond, ouais, je fais les 100 pas. Frère je plaisante pas et mes plaies s'entassent. Alors j'écris, je me vidange le crâne. Demande à Brisco, le silence me parle. En cabine avec un glaive dans la gorge. Je me sens seul comme une pièce dans ma poche. Je me sens seul entouré de frères, les mecs c'est trop la merde. J'ai trop de toi sur les épaules et mon dos galère. Ouais c'est drôle ma mère, on y la pro de sa mère. Nous c'est capuche, team basket, pas de costard clay. Je me sens seul entouré de frères, les mecs c'est trop la merde. J'ai trop de toi sur les épaules et mon dos galère. Ouais c'est drôle ma mère, on y la pro de sa mère. Nous c'est capuche, team basket, pas de costard clay.